Eritinela na atamika na ya pama Oka mosika maliri susi na mapanzo Makanisi butu moipongi na lala Teka kapona koka nisa yoma miwatana Isabella, Isabella Uwe tikashe, Isabella Je te cherche partout en Afrique Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Pourquoi chérie tu m'as quitté Qui est parti sans espoir, sans pitié, sans pardon Aïe aïe aïe aïe Réveille-moi chérie Isabella, Isabella Makanisi butu moipongi na lala teka kapona koka nisa yoma miwatana Isabella, Isabella, uwe tikashe Isabella, je te cherche partout en Afrique Aïe aïe aïe aïe, aïe aïe aïe Pourquoi chérie, tu m'as quitté, tu es parti Sans espoir, sans pitié, sans pardon. Aïe aïe aïe aïe, reviens-moi chérie, Isabella, Isabella. Por favor.